إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui la lecture des hadiths mentionnés par Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le premier chapitre de son célèbre livre « Les jardins des vertueux » et qui concerne toujours la sincérité et l'intention. Nous en sommes aujourd'hui au quatrième hadith qu'il a mentionné et il a dit. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري كالله لاغري ainsi que son père a dit قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزا. Nous étions en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم lors d'une bataille. فقال, il a dit, إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. Il y a des hommes qui sont à Médine, mais vous n'avancez pas sur un chemin et vous ne traversez pas une vallée sans qu'ils ne soient avec vous. La maladie les a retenus. وفي رواية, et dans une autre narration, إلا شاركوكم في الأجر, sans qu'il ne s'associe à vous dans la récompense. C'est-à-dire, vous n'avancez pas sur un chemin et vous ne traversez pas une vallée sans qu'il ne s'associe à vous dans la récompense. Rawahu Muslim. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Wa rawahu al-Bukhari an Anas, radiyallahu anhu qal. Et al-Bukhari, rahimahullah, le rapporte d'après Anas, qu'Allah l'agré, qui a dit. رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Nous revenions de la bataille de Tabouk avec le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Il y a des gens qui sont restés derrière nous à Médine, mais il n'y a pas une plaine ni une vallée que nous avons traversée sans qu'ils ne soient avec nous. Une excuse les a retenus. Donc ce hadith, mes frères, nous démontre une fois de plus l'importance d'avoir de bonnes intentions. Car celui qui a une bonne intention, celui dont l'intention est sincère et véridique, et qui a la ferme volonté d'accomplir un acte, et ne le délaisse qu'en raison d'une excuse qui l'en empêche, alors il lui est inscrit une bonne action complète. On voit dans ce hadith que certains n'avaient pas pu partir au combat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la maladie, en raison de leur faiblesse physique, comme les aveugles ou autres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons que cela s'associe à eux dans la récompense. Pourquoi? Car s'ils n'avaient pas cette excuse, ils seraient à leur côté. Ils avaient l'intention véridique d'être à leur côté, mais la maladie ou autre excuse les en a empêchés. Donc en raison de leur intention véridique et de leur sincérité, ils se sont associés à eux dans leur récompense. Et pas seulement dans la récompense de la bataille, mais dans la récompense de tous les efforts faits pour se rendre à cette bataille. Vous n'avez pas traversé une plaine ni une vallée sans qu'ils ne soient avec vous. Donc pour chacun des efforts faits sur le chemin de cette bataille, durant cette bataille et ainsi de suite, ils se sont associés à eux dans la récompense. Et ceci nous prouve que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous est immense, et que le bien nous a été facilité. Mais beaucoup sont ceux à se priver de nombreuses récompenses en raison de leur insouciance. C'est pour cela qu'il est d'une grande importance de toujours penser au bien, de penser aux œuvres de bien que tu pourras accomplir, afin d'avoir de bonnes intentions. Et ces bonnes intentions, elles te permettront d'atteindre des degrés éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu es dans l'incapacité de faire certaines actions. Mais dites sur un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des richesses qu'il dépensait dans les œuvres de bien. Et il y avait un autre homme qui lui était pauvre et qui disait, si j'avais les mêmes richesses qu'un tel, j'aurais œuvré de la même manière que lui. C'est-à-dire, moi aussi, j'aurais dépensé ces richesses dans le bien. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au sujet de cet homme pauvre, par son intention, il est semblable à lui dans la récompense. Par son intention, il est semblable à lui dans la récompense. Pourquoi? Car il est véridique dans son intention. Si lui aussi, il avait des richesses, il les aurait dépensées dans les œuvres de bien. Donc tu vois que tu peux atteindre des degrés éminents avec cette intention. Même si tu es pauvre, que tu n'as pas la capacité de donner des aumônes par exemple, et l'intention que si tu étais riche, tu en donnerais. Et sois véridique dans cette intention. Également, prenons l'exemple du pèlerinage qui va être accompli en ces jours. Nombreux sont les musulmans à être partis pour accomplir le pèlerinage. Et bien plus nombreux qu'eux sont ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, pour différentes raisons. Certains car ils n'en ont pas la possibilité et ont des empêchements administratifs, d'autres pour des raisons de santé, d'autres en raison du prix que cela coûte, et ainsi de suite. Mais celui qui a une bonne intention, celui qui désire vraiment le bien, celui qui aime le bien et qui a vraiment la volonté d'accomplir le pèlerinage, s'il en avait les capacités, alors celui-ci est récompensé pour cette intention. On lui inscrit la récompense d'une bonne action complète. Et s'il est sincère et a cette intention chaque année, alors tous les ans il lui est inscrit la récompense du pèlerinage, même s'il n'a pas les capacités de s'y rendre. Vous voyez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde sur ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des généreux. Mais c'est seulement nous, en raison de notre insouciance, de notre distraction, ou peut-être parfois du manque d'amour de ses œuvres de bien, qui nous privons de nombreuses récompenses. Et ceci concerne les œuvres auxquelles tu n'es pas habitué. C'est-à-dire que même si tu n'es pas habitué à accomplir cette œuvre, on t'inscrit la récompense d'une bonne action complète si tu es véridique dans ton intention. Mais si tu es habitué à accomplir certaines œuvres, habitué à certaines bonnes actions, mais qu'en raison d'un empêchement comme la maladie, tu n'es pas en mesure de les accomplir. Par exemple, tu as l'habitude de te lever pour prier durant la nuit, mais tu es malade et ne peux pas te lever pour prier en raison de la fatigue et de la douleur de la maladie. Tu ne peux pas faire tes prières habituelles ou certaines excuses t'en empêchent. Alors dans cette situation, tu obtiens la récompense complète de ton action comme si tu l'avais faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, celui qui tombe malade ou part en voyage, Allah lui inscrit les œuvres qu'il faisait quand il était en bonne santé et en état de résidence. Même le voyageur. Lorsque tu es en voyage, tu n'es pas dans les mêmes conditions que chez toi. Tu n'as pas forcément l'opportunité de faire les prières que tu fais habituellement, que ce soit en raison de la fatigue ou en raison des conditions du voyage. Il se peut également que tu ne puisses pas lire ce que tu as l'habitude de lire du Coran, ou que tu sois contraint de délaisser certaines bonnes actions que tu fais habituellement, car tu n'as pas la possibilité de les faire durant ton voyage. Eh bien, sache que tu obtiens la récompense complète de ces actions dont tu as l'habitude, comme si tu les avais faites. Si seul le voyage ou la maladie t'a empêché d'accomplir ces actions, et que si tu étais dans ta situation habituelle, tu les aurais accomplies, alors tu en obtiens la récompense complète. En sachant cela, tu ne peux que redoubler d'efforts pour faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, car sa grâce sur nous est immense. Et comme je l'ai dit, c'est nous-mêmes, en raison de notre insouciance, qui nous privons de nombre de récompenses. Et ce hadith, il nous encourage donc à toujours avoir de bonnes intentions, afin d'être toujours sur le bien. Et ceci nous rappelle la recommandation de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, que l'on a mentionné hier, lorsqu'il a dit à son fils, « Ô mon fils, aie l'intention de faire le bien, car tu seras toujours sur le bien, tant que tu auras l'intention de faire le bien. » Tant que tu as dans ton cœur l'intention de faire le bien, même si tu n'en as pas les capacités, alors tu seras toujours sur le bien, bi'inillahi ta'ala. Pourquoi ? Car si tu n'as pas les capacités d'accomplir ce bien, tu obtiendras quand même la récompense d'une bonne action complète. Et si tu en as les capacités alors, tu accompliras ce bien. Et tu t'élèveras davantage en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important de toujours avoir cette intention dans son cœur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Enfin, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que celui qui sort sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la récompense de chacun de ses pas, de tout ce qu'il fait pour atteindre cet objectif. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit à ses compagnons, vous n'avancez pas sur un chemin et vous ne traversez pas une vallée sans qu'il ne soit avec vous, sans qu'il ne s'associe à vous dans la récompense. Donc ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve qu'ils ont la récompense pour chacun de leurs pas. Chacun des pas que tu fais sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé pour ceci. Il en est de même pour les pas en direction de la prière, en direction des mosquées. Également, la récompense des pas sur le chemin de l'apprentissage de la science. Également, tous les efforts que tu fais pour apprendre la science. Toutes les dépenses que tu fais pour étudier la science. Tu es récompensé pour celle-ci. Tu es récompensé lors de l'achat de tes livres, lors de l'achat de tes cahiers, lors de l'achat de tes stylos, lors de l'achat du papier, et ainsi de suite. Tout ce que tu achètes dans le but d'étudier et d'apprendre la science religieuse, tu es récompensé pour cela. Donc attention à ne pas se plaindre, à dire que cela est cher ou je ne sais quoi. Car cet argent, tu le dépenses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas insouciant de cela. Cet argent, c'est de l'argent que tu dépenses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es récompensé pour ces dépenses. Chaque effort que tu fais pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction, aussi moindre soit-il, tu es récompensé pour celui-ci, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il a dit « Wa'an Abi Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, radiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. » Abu Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, car lui, son père et son grand-père sont des compagnons. Qal, il a dit, كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. Mon père Yazid a sorti des dinars pour les donner en aumône et les a confiés à un homme à la mosquée. فجئت فأخذتها فأتيته بها. Je suis alors venu et je les ai pris, puis je suis retourné auprès de lui avec. Les retourner auprès de lui avec ces dinars qui avaient été donnés en aumône. Faqal, il lui dit alors, Wallahi ma iyaka aradtu. Par Allah, ce n'est pas à toi que je voulais les donner. Fakhasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai alors pris à partie devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, il a dit, Laka manawaita ya Yazid. À toi revient ce dont tu as eu l'intention, ô Yazid. À toi revient la récompense de ce dont tu as eu l'intention. Walaka ma akhasta ya ma'an. Et à toi revient ce que tu as pris au Ma'an. Rawahu al-Bukhari. Rapporté par al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc ce hadith, c'est une preuve que celui qui a l'intention de donner une aumône à un nécessiteux, il obtient la récompense de son intention. Même si celui qui prend cette aumône ne fait pas partie des nécessiteux. Ça, c'est une question qui revient souvent. Des personnes disent, il y a des mendiants, mais je ne sais pas s'ils sont véridiques. Car nombreux sont ceux, aujourd'hui, à simuler la pauvreté pour mendier. Suis-je récompensé si je leur donne une aumône? La réponse est que tu as la récompense de ton intention. Et la preuve est dans ce hadith. À toi revient la récompense de ce dont tu as eu l'intention. Si toi tu as eu l'intention de donner cette aumône à un pauvre, à un nécessiteux, afin de lui venir en aide, même si cette personne n'est pas pauvre, alors toi tu es récompensé. Et ce que fait cette personne est entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'es pas concerné par cela. Toi, tu as la récompense de ton intention. Regarde dans ce hadith. Ma'an, radiyallahu anhu, il rapporte que son père, Yazid, a pris de l'argent et l'a confié à un homme à la mosquée afin qu'il distribue cet argent en aumône aux nécessiteux. Et ceci nous prouve qu'il est permis de confier l'argent à une personne pour qu'elle la distribue en aumône. Et les gens de science ont même dit qu'en ce qui concerne l'aumône surérogatoire, ceci est recommandé car cela permet à la personne de faire cela secrètement. Elle confie son argent à une personne qui, elle, va la distribuer aux nécessiteux sans savoir d'où provient cet argent. Donc Ma'an, radiyallahu anhu, il est venu et il a pris cet argent. Et il se peut que l'homme qui avait été confié de la distribution de l'aumône ne savait pas que Ma'an était le fils de Yazid, ou alors il se peut qu'il a vu que Ma'an faisait partie des nécessiteux. et qu'il méritait de prendre cette aumône, donc il lui a donné. Lorsque Yazid fut au courant de cela, il l'a blâmé et lui a dit « Ce n'est pas à toi que je voulais donner cet argent. » Alors, ils se sont rendus auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit ce que vous avez entendu. « À toi revient la récompense de ce dont tu as eu l'intention, ô Yazid, et à toi revient ce que tu as pris au man. » Donc ceci nous prouve que les œuvres valent selon leurs intentions, comme on l'a vu dans le premier hadith. Celui qui a l'intention de faire le bien, il obtient la récompense de son intention, même si les choses ne se passent pas comme il le pensait. Yazid ici, il n'avait pas l'intention de donner cet argent à son fils. Mais son fils a pris cet argent, et son fils faisait partie des ayants droit. Donc, cet argent lui est revenu de droit. Et Yazid a eu la récompense de son intention qui était de donner l'aumône à un nécessiteux. Donc vous voyez une fois de plus que quelles que soient les actions que l'on accomplit, chacun d'entre nous est rétribué en fonction de son intention. Même si le résultat n'est pas celui que nous souhaitions, et que les choses ne se passent pas comme on en avait l'intention. Nous sommes tout de même récompensés. Selon quoi? Selon notre intention. À partir de là, les gens de science ont dit que si un homme, par exemple, verse sa zakat à une personne qu'il pense faire partie des ayants droit, il pense que cet homme est un nécessiteux, qu'il est en droit de recevoir la zakat. Après lui avoir donné, il apprend que cet homme est en réalité riche et qu'il n'était pas en droit de prendre la zakat. Est-ce que sa zakat est valide? Les gens de science ont dit, sa zakat est valide et acceptée, incha'Allah ta'ala. Pourquoi? Car il avait l'intention de la donner à un nécessiteux. Il a fait les efforts. Il a cherché un nécessiteux, il a vu cet homme, il a pensé que c'était un nécessiteux. Il lui a donné. Il a donc la récompense de ce dont il a eu l'intention. Ceci ne veut pas dire que tu dois donner ta zakat au premier venu. Bien sûr, tu vas te renseigner, faire attention de donner ta zakat à un ayant droit et faire des efforts pour cela. Mais si, malgré tes efforts, cela arrive, alors ta zakat est valide, incha'Allah ta'ala. Et la preuve est ce hadith. Également, on voit dans ce hadith la preuve de la permission pour l'homme de faire des aumônes à son fils, aux membres de sa famille. Et ils sont même les plus en droit de recevoir l'aumône de ta part. Et il y a une preuve explicite à ce sujet. En effet, il est rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'aumône et a encouragé ses compagnons à faire l'aumône. Alors Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, a voulu faire l'aumône d'une partie de ses richesses. Son époux, Abdullah ibn Mas'ud, lui a alors dit « Nous sommes, moi et ton enfant, les plus dignes de recevoir l'aumône de ta part. » Car Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, était un pauvre. Elle a alors refusé jusqu'à interroger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait savoir si, en donnant cet argent à son époux, elle aurait la récompense de l'aumône. Elle a donc interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit « Ibn Mas'ud a dit vrai. Ton époux et ton enfant sont ceux les plus en droit et les plus dignes de recevoir l'aumône de ta part. » Il n'y a pas besoin parfois d'aller chercher trop loin lorsque tu veux faire le bien. Il se peut qu'il se trouve devant toi, que tu aies des proches dans le besoin, parmi les membres de ta famille, parmi tes enfants, parmi tes frères et sœurs, les parents, les oncles, et ainsi de suite. Et ce sont eux les plus en droit de recevoir les aumônes de ta part. Car en leur donnant l'aumône, tu as la récompense de l'aumône et en plus tu as la récompense du maintien des liens de parenté. Tu as donc une double récompense. Et ceci nous montre le mérite de cette action. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ces hadiths. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.